m'accroche depuis que je suis petit. Trop vite j'ai grandi, agrandi mon appétit est trop mal, je me suis senti. Ça devient trop agressif, pour moi trop intensif. J'ai la haine de cible, pour ça que je suis trop pensif. Certains se détachent du bien pour s'accrocher au split. Faut pas que je lâche mon frein, le haram est trop nocif. Accroche-toi à tes frères, accroche-toi à tes sœurs, à ton père et ta mère qui t'éloigneront de la merde. J'ai failli me perdre des centaines de fois, mais je garde les pieds sur terre malgré mon manque de foi. Ici on survit, et un sur deux qui croit que la vie nous sourit et qu'on vit comme des rois. Accroche-toi, à n'importe quel endroit, l'islam est devant moi. Oublie l'étoile et la croix, moi mes crus. Car ici, ça tombe pas, on aura vécu comme des cons et comme des pions. Accroche-toi, accroche-toi, à ton fond et ta forme et affirme ta foi. Accroche-toi, accroche-toi, à ta force, tombe le torse, solidaire contre leur loi. Accroche-toi, accroche-toi, à tes rêves, tes projets et vois loin devant toi. Accroche-toi, accroche-toi, ne donne pas ta confiance, chacun pour soi. La vie est dure, les virages sont dangereux. Attache ta ceinture, sois un minimum sérieux. C'est qu'un môme qui veut faire le bonhomme devant tes potes. Riposte, et même devant la police tu fais le boss. Normal, t'inquiète, c'est compréhensible. Quand on voit qu'à l'âge de 10 ans t'as déjà pris pour cible. Si je devrais te donner un conseil, c'est accroche-toi. Décroche un diplôme, ta vie ne tient qu'à toi. En tout cas, continue à représenter tes origines. L'Afrique, le Maghreb, les belles îles des Antilles. Reste fier, aucun genou à terre face à ces connards. Ils essayent d'effacer le début de l'histoire. Pillage, esclavage, colonisation. C'est pas fini, aujourd'hui on subit la discrimination. Faut qu'on s'accroche, même si le paysage est moche. Faut remplir la sacoche pour qu'on puisse élever nos mioches. Accroche-toi, accroche-toi, à ton fond et ta forme et affirme ta foi. Accroche-toi, accroche-toi, à ta force, bombe le torse, solidaire contre leur loi. Accroche-toi, accroche-toi, à tes rêves, tes projets et vois loin devant toi. Accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi, ne donne pas ta confiance, chacun pour soi. Accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi. J'ai attendu des heures juste pour qu'on me baratine. Ce qu'ils veulent c'est que le beurre mette du porc sur la tartine. J'ai étudié mon fond, j'ai étudié ma forme et estimé qu'il me manquait que l'islam et son dogme. Des gommes et des croches, faut que ça les étonne, qu'on remplisse mon poche. Je crois pas leurs mensonges et reste sur un point fixe. Ils veulent détruire nos songes, nous trahir comme alcoolique. Déposé, tu m'écoutes en sachant très bien c'est pas moi qui vais réussir à changer les choses. Tout comme toi, on m'a souvent dit que j'étais inutile, que j'étais un bras cassé, que j'étais un bon à rien. Mais bon, nique sa mère, je reste debout la tête sur terre. Je m'accroche à mon rap et je fais ce que j'aime faire. Écrire des textes dans lesquels le quartier se reconnaît. C'est pas le moment pour les blagues, pas tant de déconner. Accroche-toi, accroche-toi, à ton fond et ta forme et affirme ta foi. Accroche-toi, accroche-toi, à ta force, bombe le torse, solidaire contre leur loi. Accroche-toi, accroche-toi, à tes rêves, tes projets et vois loin devant toi. Accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi, ne donne pas ta confiance, chacun pour soi. Accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi. Voilà ce qui arrive quand on me pousse dans mes derniers retranchements.